Section 39 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 7e, section 39. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 7. Stanley à la recherche de ses compagnons. Côtes inhospitalières, la malédiction des gens de Bambiré, plus de vivres, retour à Kagehiri, une tombe. Cependant, Stanley n'oubliait pas les compagnons qu'il avait laissés à Kagehiri, et il résolut de les aller chercher lui-même. À cette fin, il obtint de M'Tesa la promesse qu'on lui fournirait les canots dont il aurait besoin. Le monarque délégua pour ce service un des chefs de sa marine, Magassa, avec ordre d'accompagner Stanley et de recruter le long de la côte, sur les territoires de l'Ouganda, les pirogues nécessaires pour ramener le personnel de l'expédition. Le 16 avril, après avoir fait ses adieux à M'Tesa, en lui promettant de revenir bientôt avec ses compagnons, Stanley fit hisser le drapeau américain sur le Lady Alice, s'y embarqua avec ses hommes, et salué par des salves réitérées, l'expédition disparut sur les eaux du Nyanza, en route vers le sud. L'explorateur avait été si bien reçu dans l'Ouganda, il avait eu tant de preuves de la générosité de M'Tesa et de la crainte que l'empereur inspirait à tous les officiers de la cour, qu'il n'eut pas un instant de doute au sujet des embarcations qu'on lui avait promises. Toutefois, dès le second jour du voyage, ne voyant rien venir, il rappela à Magassa les injonctions qu'il avait reçues de son souverain. Malheureusement, depuis qu'il n'était plus sous les yeux de M'Tesa, Magassa n'était plus le même. Et de jour en jour, il se révélait tel qu'il était en réalité, un homme d'une nullité et d'une incapacité absolue. Au lieu de s'occuper de ses devoirs, il folâtrait sur tous les points du débarquement, n'opposant aux reproches de Stanley que de vaines protestations de dévouement, mais de canot, point. Et pourtant, comment songer à en obtenir plus tard quand on serait sorti des eaux de l'Ouganda? Au bout de quelques jours, Magassa resta en arrière avec ses hommes, sous l'éternel prétexte de réquisitionner des embarcations. Il devait en outre rapporter des vivres, car l'expédition allait en manquer. Stanley, qui avait poursuivi sa marche, l'attendit en vain. Les dernières provisions s'épuisèrent, et Magassa ne reparut point. Ce soir-là, l'équipage du Lady Alice demeura à jeun, par une pluie battante, en face d'un pays absolument inconnu, et que l'on avait signalé comme très hostile aux étrangers. Rien de plus affreux que la situation de ces infortunés, sous un déluge formidable, au milieu des ténèbres. Ah, qu'ils étaient loin des jours de fête et de bonbons que l'on venait de passer dans l'Ouganda! Serrés les uns contre les autres, têtes basses, les hommes étaient assis sur une sorte de plateforme qu'ils avaient faite avec leurs rames et avec des planches posées sur les bancs. Seul dans sa cabine, ou plutôt sous son tendelet, Stanley prenait mentalement des notes sur les irrégularités du fourré qui bordait la rive. De temps à autre, il jetait un rapide coup d'œil sur la voûte obscure du ciel ou sur Bambiré, dont la masse noire se dressait, haute et menaçante, dans l'ombre épaisse, et l'averse tombait toujours, en nappe, avec une violence inouïe. Certes, les heures les plus brillantes que lui a réservées l'avenir n'ont pu effacer de sa mémoire le souvenir de cette abominable nuit. Le lendemain, on était en vue de l'île de Bambiré. Et comme elle paraissait fertile, le Lady Alice se dirigea vers la côte pour entrer, si possible, en rapport avec les indigènes et leur acheter des vivres. L'embarcation n'était plus qu'à une faible distance du rivage, quand tout à coup, les crêtes des montagnes se couvrirent de silhouettes humaines. En même temps, le cri de guerre des Africains, lugubre appel qui se répercute au loin et qu'aucun de nous qui l'avons entendu ne pourrait oublier, ce tocsin sinistre des mauvais jours, retentit sur toute la ligne. Des voix nouvelles y répondirent, et bientôt il devint évident que les indigènes s'apprêtaient à fort mal accueillir la visite des étrangers. Mais pouvait-on hésiter? On n'avait aucune nourriture, et la chaleur qui se faisait sentir, après le froid de la nuit, avec la faim qui rongeait les entrailles, tout ordonnait de hasarder quelque chose. On continua donc à nager vers la rive, et découvrant un petit havre, on y entra. En ce moment, l'hostilité des indigènes devint si manifeste que Stanley donna l'ordre d'arrêter. Mais Saphény, son chef d'équipage, intervint. « Maître, dit-il, Il en est toujours ainsi avec ces gens. Ils crient, menacent, font les arrogants, mais n'ayez crainte. Tout ce bruit cessera dès qu'ils entendront nos paroles. Du reste, nous n'avons pas le choix. Si nous partons d'ici sans vivre, où pourrons-nous en obtenir? Cet argument était sans réplique, et l'on reprit la nage. Pendant ce temps, les naturels parurent délibérés, puis quelques-uns, souriant d'un air affable, entrèrent dans l'eau, et arrivant jusqu'à toucher le Lady Alice, se mirent à parler avec douceur. Mais tout à coup, ils attirèrent le bateau vers la rive, où tous, alors, d'un effort unanime, le saisirent et le traînèrent vers la grève à une vingtaine de pas du rivage. Ce fut l'affaire d'un éclair, et la scène qui s'ensuivit défie toute description. Qu'on se figure un enfer déchaîné, une forêt de lances brandies, 40 flèches sur le point de partir, autant de massues tournoyant autour des têtes des voyageurs, et 200 noirs démons luttant pour les insulter de plus près, se pressant, se bousculant pour avoir la possibilité de frapper, de transpercer, d'assommer ces audacieux étrangers. Au premier symptôme de violence, Stanley, debout, avait saisi ses revolvers. Il allait sévir quand Saffeny le supplia d'être patient. Et comme l'émotion paralysait les gens de l'expédition, comme de l'avis général le salut ne pouvait pas être demandé à un acte d'énergie, Stanley prit un air calme et se résigna, tout en déplorant à part lui de s'être mis, en dépit de ses pressentiments, à la merci de pareils sauvages. Cependant, les notables du pays étaient accourus, et bientôt sur la rive un conseil s'assembla, présidé par le roi de Bambiré en personne. De ce palabre allait dépendre le sort des voyageurs. En grand nombre, les indigènes suivirent les chefs au conseil, d'autres continuèrent leurs cris et leurs menaces, les plus hardis vinrent à l'arrière du bateau pour braver l'homme blanc lui-même. Et l'un d'eux alla jusqu'à lui tirer les cheveux. Stanley saisit la main de l'insolent et lui tordant le poignet, le fit hurler de douleur. Les lances s'agitèrent, la mort planait dans l'air, l'homme blanc eut un moment d'agonie en pensant à la mort qu'il allait subir. Que deviendraient ceux qui l'attendaient là-bas? Pocock, Barker, qu'allait-il faire, lui mort? Et sa mission? Et ses travaux? Nous avons connu en Afrique ces moments d'angoisse devant une trahison, une attaque soudaine, une désertion en masse, et nous savons ce qu'il y a de poignant dans cette minute suprême. Ce fut toutefois l'affaire d'un éclair, et le Stanley reparut aussitôt, prêt à combattre ou à mourir. Le conseil était à peine terminé qu'une longue file d'indigènes en costume de guerre apparut sur la grève. Ils avaient la figure barbouillée de blanc et de noir, et à leurs allures, il était impossible de ne pas reconnaître l'imminence d'une attaque. Le bruit des tambours continuait, et de nouveaux arrivants débouchaient de tous côtés. Ils brandissaient leurs lances, faisaient tournoyer leurs massues, et leurs gestes féroces, leurs cris perçants, allumaient en eux la fièvre du combat. Tout à coup, 50 guerriers fondirent sur le bateau en poussant des clameurs furieuses et enlevèrent les rames. L'un d'eux, s'adressant à Stanley, lui cria « Et maintenant, la bataille va commencer. Si vous êtes des hommes, préparez-vous. » Combattre sur la terre ferme à 10 contre 10 000, c'était l'écrasement certain. Stanley se recueillit un moment, puis brièvement il dit à Saffeny « Suis ces hommes pour dépister leurs soupçons. Prends ces étoffes rouges pour faire croire que tu vas parlementer encore. Seulement, à mon premier appel, accours ici. » Et s'adressant à ces noirs, « Quant à vous, mes amis, c'est affaire de vie ou de mort. Rangez-vous sans affectation de chaque côté du bateau, posez négligemment la main sur le rebord, et, au premier mot que je dirai, poussez-le tous ensemble avec une force de 100 hommes, et faites-lui gagner l'eau. Pensez-vous le pouvoir faire? Avec l'aide de Dieu, oui, maître. » Saffeny n'avait pas fait 50 pas, que Stanley commanda. « Poussez !» L'équipage, tête baissée, raidit les bras. Le Lady Alice fut ébranlé. Stanley le sentit se mouvoir en grinçant. Il rappela Saffeny, et au moment où celui-ci rejoignait l'embarcation, elle glissait comme une flèche sur les eaux du lac. Alors, ce furent de la part des indigènes des vociférations infernales, et une pluie de javelots s'abattit autour du bateau. Sans perdre de temps à y répondre, Stanley fit arracher des planches du fond pour s'en servir en guise de rame, et l'expédition put s'éloigner de la côte. Les naturels s'élancèrent à la pointe du Petit Havre, décochèrent de nouvelles bordées de flèches contre les voyageurs, et furieux de voir leurs efforts stériles, « Allez !» crièrent-ils en guise de malédiction, « Allez et mourez sur le Nyanza !» On était sauvés. Pas tout à fait, cependant. L'expédition ne possédait en tout que 4 bananes pour 12 hommes, qui n'avaient rien mangé depuis la veille au soir. Or, par un vent favorable, il fallait un jour encore pour regagner Kagei. S'il devenait contraire, il faudrait un mois peut-être. Vers le soir, un orage violent se déclara. Exténués, n'ayant que de minces planches en guise de rames, les hommes s'abandonnèrent à la tempête, à la pluie qui tombait par torrents et qui les obligeait du reste à consacrer tous leurs efforts à vider l'embarcation. Tantôt à la pointe des lames, tantôt dans le creux des sillons, allant d'un côté à l'autre, tournoyant, plongeant, remontant, inondé par l'averse, baigné par l'embrun, le Lady Alice dansait sur les flots comme une coquille de noix. « Courage, enfant !» criait Stanley. « Ne vous tourmentez pas de ce qu'ont dit vos ennemis de Bambiré. Vous ne mourrez pas dans le Nyanza. Courage ! Dieu n'entend pas la malédiction des méchants. Elle porte bonheur !» La nuit fut atroce. Mais au jour, on parvint à atterrir à une île déserte, que Stanley baptisa « île du refuge ». On y trouva des bananes, et la chasse procura aux voyageurs un premier contingent de vivres. Enfin, le surlendemain, 5 mai, 20e jour depuis le départ de Shemteza, l'expédition arriva en vue de Kagei. Déjà, la voile du Lady Alice a été reconnue, des acclamations, des décharges de mousqueterie retentissent sur le rivage. Les drapeaux flottent, les noirs bondissent de joie. Il y avait tantôt 2 mois que Stanley avait quitté son camp, et on commençait à désespérer de le revoir jamais. La quille touche le fond, 50 hommes sautent dans l'eau, les premiers enlèvent Stanley de la barque, le prennent sur leurs épaules, et le promènent autour du camp, au milieu des gambades et de hurrahs frénétiques. Frank Pocock est là aussi, il s'élance vers son chef, les yeux pleins de joie. « Eh, barqueur ?» demanda Stanley, « pourquoi ne vient-il pas me saluer ?» La figure de Frank s'assombrit. « Parce qu'il est mort, monsieur Stanley. » Quittant aussitôt les groupes joyeux qui l'entouraient, Stanley entra vivement dans sa hutte et invita Frank à lui apprendre ce qui s'était passé pendant son absence. « Barker, lui dit ce dernier, s'était bien porté jusqu'à la mi-avril. À cette époque, il eut quelques accès de fièvre. Une chasse à l'hippopotame et un bain froid qu'il prit dans le lac déterminèrent chez lui un malaise, tel que tous les efforts que l'on fit pour ramener la chaleur dans ses membres furent inutiles. Il avait comme le sang figé, et en 2 heures il était enlevé. Nous l'avons enterré ici, au bord de l'eau. » Toute une série de fâcheuses nouvelles attendait Stanley. Plusieurs de ses chefs étaient morts de la dysenterie, d'autres manifestaient depuis quelques jours l'intention de déserter. Bref, il était temps que le maître revînt. Malheureusement, comment songer à transporter l'expédition dans l'Ouganda? Magassa ne reparaissait point, et les jours se succédaient sans que l'on vît arriver aucun des canaux qu'il avait mission de procurer. Ce fut pour Stanley une nouvelle période de lutte, de tracas continuels. Il parcourut les contrées voisines, combla de présents le roi Dukerewe, et parvint enfin, au prix des plus grands efforts, à réunir une petite flottille sur laquelle il embarqua, le 20 juin, les 150 individus, hommes, femmes et enfants, dont se composait encore son personnel. Plus 190 charges d'étoffes, de perles, de fils métalliques, 88 sacs de grains et 30 caisses de munitions, toute la fortune de son expédition. Mais une tempête formidable qui brisa plusieurs canaux et une bataille sanglante qui eut lieu entre ses propres gens l'obligèrent à revenir en arrière. Et ce ne fut que le 6 juillet qu'il quitta définitivement cette plage de Kagei où la mauvaise chance semblait s'être acharnée contre lui. Pour regagner l'Ouganda, il éprouva de plus grands ennuis encore qu'au voyage d'aller, surtout de la part des indigènes de Bambiré. Heureusement, au moment même où il allait peut-être succomber, il fut secouru par une colonne que M'Tesa envoyait à sa recherche, avec ordre de le venger s'il avait été tué, comme l'avait rapporté Magassa pour excuser son lâche abandon. Et c'est ainsi qu'en dépit de tant d'épreuves, Stanley parvint à concentrer toute son expédition dans les états de M'Tesa, persuadé que l'appui de ce puissant monarque l'aiderait à poursuivre l'accomplissement de sa tâche. Fin de la section 39.